suis pas touché, personne ne va nous coucher, y'a Dieu pour nous protéger. Ouais, le destin nous a touchés, pourquoi vous nous en voulez? C'est comme si t'arrives vers les champs à pied, mais tu n'as pas de love. Je veux que mes gosses habitent un royaume, des montagnes de bif. Sur la croisette, je vendrai toujours quand vous la mettez dans le bif. Sa mère la pute, on sort du star, on fait la dip. Bébé, t'inquiète, je laisse que des morts derrière toutes mes zikis. Hey, je suis sorti du placard, un petit peu costaud, j'ai dit au revoir à la graisse. Mais je sais que tes photos ont vu tes ennemis pour leur donner ton adresse. Faut toujours se méfier à la vue du pécule, j'ai choqué le greffier. Dans une telle suicide en 5 minutes, y avait pas son cul dans les cœurs du féfé. La rue, je la connais par cœur, vraiment tous les secteurs, ses misères et ses torts. Y'a ses doutes et ses peurs, chez nous les malfaiteurs sont dehors à 8h, ils connaissent pas Twitter. Bref, désolé mon poteau, t'as pas sur email. Faut porter ses couilles, ne jamais dériver. La crème, une putain de valeur furie pour revendre sa paire de chaussettes, pile de balles sur eBay. La rancœur n'attise que des flammes, l'histoire de l'humain qui va traquer la bête. Des mauvaises langues pire que des femmes, ces fils de pute ils font mal à la tête. HLM résident, t'inquiète, Ray résistant. Je ressors du star, je fais plus de sous que le président. Gros, ce matin dans les couloirs de Fresnes, ce soir sur l'avenue de la Grande Armée. Je pense à mes potos en attente d'être lourdement condamnés. On veut voir le monde, le manger, le soulever avec nos deux mains. Pourquoi j'irai tout étraquer maintenant, je sais où ils seront demain. Je vivais dans la rue, j'ai dormi tout petit où la misère se balade. Aujourd'hui j'ai grandi, j'ai une garde de fou, la vie surtout pas un âme. Oui j'ai du sang sur les mains, des milliers de billets de sang, mais tu sais quoi qu'on dise. Je suis parti de rien et je compte bien laisser des hôtels à mon fils. C'est fini l'adultère, si nos femmes nous attrapent, elles vont pas nous griffer. Je veux que ma fille soit remplie de fierté, de savoir que son père est tant sacrifié. Oui, je suis la rame de cité, force d'accumuler les victoires et des fêtes. Et je vais tout baisser, tu peux fermer ta gueule quand tu parles de l'histoire comme si je suis la pas fée. Touché, personne ne va nous coucher, y'a Dieu pour nous protéger. Ouais, le destin nous a touchés, pourquoi vous nous en voulez? C'est comme si t'arrives vers les champs à pied, mais tu n'as pas de love. Je veux que mes gosses habitent un royaume, des montagnes de bif. Sur la croisette, je vendrai toujours quand vous la mettez en.